Eh bien, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Caroline Granier, qui va nous parler de son énorme bouquin « Les briseurs de formules sur la littérature, la fin du XIXe siècle, des anarchistes en France. » Oui, pas seulement des anarchistes en France, d'ailleurs. Si. Si, aussi, seulement. Désolé. Petite anecdote, quand même. Je me souviens quand René Bianco a été jury dans ta thèse. Je sais qu'il a eu beaucoup de mal à trouver des failles dans ton... Parce qu'il ne voulait pas non plus être un jury bêlant. Il cherchait une petite bête. Il en a trouvé une ou deux, je crois. Non, il a quand même trouvé pas mal de fautes. Bon, les fautes d'orthographe des coquilles et puis des erreurs que j'ai rectifiées quand même depuis. Hein. Mais il a du mal. Hein. Il y avait deux pages. Facile, dans une thèse. Il a trouvé deux pages d'erreurs. Ouais, donc je vais vous présenter un petit peu le livre, mais si vous voulez, vous pouvez m'interrompre, hein, je fais des pauses, et puis si vous voulez des ronds, c'est parce qu'il y a plusieurs entrées possibles en fait. Donc après, je m'arrête de temps en temps, si vous voulez des précisions sur tel ou tel aspect, on peut s'arrêter au milieu, je pense. Bon, enfin, vous me direz. Alors, d'abord, cette thèse, je l'ai écrite, en fait, c'était juste pour dire un peu que c'était pas un sujet évident, et il n'y a pas beaucoup de livres qui traitent de ce sujet. Parce que quand on se lance dans des recherches littéraires, en fait, on est poussé plutôt à choisir un auteur ou un sujet simple, facilement circonscrit et très très limité. Et moi, quand j'ai parlé de faire quelque chose sur les écrivains, parce que j'aimais bien la littérature, et sur l'anarchie, parce que je commençais à militer aussi, j'ai eu du mal à trouver un directeur de thèse. Beaucoup me disaient que c'était un sujet beaucoup trop vaste, que je n'y arriverais pas, que ce n'était pas possible de tout cerner, que ce n'était pas l'objet d'une thèse. D'autres m'ont dit que de toute façon la littérature libertaire, elle n'existait pas, à part Vallès, qu'est-ce qu'il y avait? J'allais trouver personne et j'allais m'ennuyer, quoi. Et personne, en fait, avait une idée très nette de ce que c'était, alors sans parler des malentendus, quand les gens pensaient que les anarchistes, c'était les gens de droite, réactionnaires, des anarchistes de droite, ou des choses comme ça. Et après, c'est pareil, c'était pas évident une fois que j'ai voulu l'éditer, quoi, parce que c'est un truc énorme. Comme je parle de plein d'auteurs et qui sont pas connus ou pas réédités, à chaque fois, je dois détailler un petit peu pour que ça soit intéressant à lire, quand même. Et du coup, ça fait un truc que j'arrivais pas à réduire plus, et la plupart des éditeurs me disaient « mais on peut pas, quoi, c'est pas publiable, et puis ça va pas se vendre, etc. » Et en fait, je suis assez quand même contente, parce qu'il y a des gens qui trouvent leur intérêt et qui l'achètent et puis qui attendaient un ouvrage comme ça. Et puis ça donne des idées aussi, ça c'était le but, à des éditeurs ou à des gens qui ont envie de faire d'autres thèses, de faire d'autres recherches à partir de ce livre. Donc ça c'était ce que je voulais faire. Et visiblement ça marche, parce qu'il y a quand même plein de gens qui ont trouvé des choses qu'ils ignoraient avant. Voilà, mais tout ça pour dire que la plupart des écrivains là dont je parle, ils sont assez inconnus. Complètement tombé dans l'oubli. Puis ça, c'est un truc qui m'a fait réfléchir aussi, c'est pourquoi il y a des écrivains dont on parle plus, qui sont pas réédités, dont il reste quelques ouvrages consultables seulement en bibliothèque. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une grande part d'idéologie dedans. D'une part, parce que ces écrivains-là dont je parle sont anarchistes, et c'est comme l'histoire anarchiste, elle est mal connue. Dans les manuels d'histoire, souvent, on la passe sous silence, on n'en parle pas. Et en plus, quelquefois, ils écrivent de façon, alors on va dire, soit c'est trop traditionnel, ou trop littéraire, ou trop symbolique, soit il y a toujours une raison, mais la vraie raison, elle est idéologique, c'est-à-dire qu'il y a un choix qui fait qu'on va décider que la valeur littéraire, elle concerne tels et tels écrivains. Et souvent, c'est des écrivains qui correspondaient, en fait, aux questions qu'on se posait à une époque, qui sont tombés pile à un moment, enfin, il y a des modes aussi littéraires, donc à un moment, ça va être le naturalisme... À d'autres, ça va être le symbolisme, et c'est, des gens arrivent à avoir du succès et passent à la postérité. Et puis d'autres qui soulèvent des questions intéressantes, mais qui ne sont pas retenues. Et c'est la même chose en histoire. Il y a toutes les utopies, en fait. Il y a des tas d'utopies qui n'ont pas laissé de traces parce que ce n'était pas le bon moment, quoi. Elles n'ont pas eu de suite, elles n'ont pas été incarnées ou elles n'ont pas eu de succès. Mais n'empêche qu'à un moment, il y a des gens qui soulèvent ces problèmes-là. Si ce n'est pas le bon moment, on les oublie, on les met de côté, on les écarte. Et ce qu'on dit dans le cas des écrivains, c'est ils n'ont pas de valeur littéraire, c'est pas intéressant, c'est des écrivains mineurs. Mais en fait, voilà, il y a vraiment une question ici de choix politique. Et donc en fait, je pense, enfin moi j'ai bien aimé faire ce travail aussi, parce que dans la plupart des manuels scolaires, on ne trouve pas ces auteurs, ils sont complètement exclus. Les chercheurs qui sont intéressés à ces sujets, c'est des gens qui ne sont pas universitaires en général, qui n'ont pas un pouvoir dans l'édition ou dans les milieux de recherche. Il y a Manfredonia, des gens comme Auriol, Philippe Auriol. Marie Cour aussi, moi j'étais partie du livre de Marie Cour sur la culture libertaire parce qu'il citait pas mal de noms, ça me donnait des pistes. Donc ils sont pas très connus dans les milieux universitaires, leur nom n'apparaît jamais, quoi. Ils sont pas invités à des colloques. Enfin, Philippe Auriol, si, il a réussi, il a fait pas mal de choses, mais Gaetano aussi, mais par exemple ils n'ont pas de poste à la fac, ils n'ont pas énormément d'influence en termes éditorial. Pour l'instant, enfin jusqu'à quand je faisais la thèse, en tout cas, ils n'étaient pas connus. Par exemple, des profs auxquels je m'adresse, enfin, par lesquels j'étais lue. Dans les manuels scolaires, alors on ne parle jamais d'anarchie, ou juste on va dire peut-être que Vallès a pris part à la Commune de Paris, où bon, on les mentionne pas tellement, plus. Mirbeau, de temps en temps, on en parle, mais c'est assez rare. Et on ne parle pas... Non, et Vallès. Il y a une connotation du personnage. Dans le grand public, c'est-à-dire on parle de Mirbeau, mais dans une certaine signification, il n'y a pas qu'il cet aspect un petit peu libertaire. Voilà. Ou Vallès, c'est révélateur pour Vallès aussi, parce qu'on va trouver, on va faire lire au collège l'enfant, alors c'est bucolique, sa mère méchante, etc., mais on ne parle pas de l'insurgé. Et puis on ne dit pas tellement quel rôle il a joué dans l'histoire. Et alors j'avais lu aussi, j'ai beaucoup lu de trucs théoriques alors sur l'engagement de l'écrivain. J'avais trouvé un livre qui était pas mal fait, qui datait de 2002, Les écrivains engagés. Ça faisait le point sur toutes les recherches dernièrement faites. Il n'y avait pas un mot sur les écrivains anarchistes. Il y avait donc évidemment pour l'affaire Dreyfus, l'écrivain qui s'engage, donc on citait Zola. On oublie Bernard Lazare, ou on le mentionnait juste dans un petit paragraphe. Et puis, quand même, ils évoquaient Vallès, alors qu'il n'y a pas le continuateur, à part Darien, mais des en dehors, des inclassables, des réfractaires, et puis ils sont isolés, ils sont tout seuls. Voilà, c'est tout ce que j'avais trouvé, et c'est complètement faux, en fait, parce qu'il y avait vraiment, ce que j'ai découvert en faisant ma thèse, un courant immense d'écrivains. Moi, j'en ai recensé 60... Alors après, j'ai fait une annexe avec tous les écrivains dont je parle, en gros 67. 67 auteurs, mais bon, on pourrait peut-être en trouver d'autres dont j'ai pas parlé, sur lesquels j'avais pas de renseignements, et puis voilà, il y a forcément des oublis, mais j'en ai trouvé 67, c'est-à-dire des écrivains qui étaient engagés dans le mouvement libertaire, de plus ou moins près, plus ou moins militants, mais qui ont écrit des fictions et qui ont laissé une œuvre, plus ou moins importante aussi. Donc voilà, donc c'est ça que j'essaye le panorama là que j'essaye de retracer dans le bouquin. Le retardataire de service. Ouais. Et ouais. Donc là, le mieux peut-être, c'est que je vous explique un petit peu le plan du livre, et puis parce qu'il y a plusieurs entrées possibles, et puis s'il y a un aspect là que vous voulez voir développé, vous me dites quoi. Il y a alors une première partie, j'ai fait un truc un peu historique pour replacer dans le contexte. Donc j'ai appelé ça, je crois, les intellectuels de l'anarchie, pour montrer vraiment comment ça s'est passé, comment après le retour des fédérés, enfin les communards qui avaient été exilés, donc reviennent en 80 ou avec l'amnistie, donc il y a une liberté de parole qui permet l'édition de livres, de chansons, de témoignages, etc. Donc les anarchistes se mettent à parler. Comme il y a le souvenir de la commune aussi, ben, ils sont très bien accueillis, ils sont très bien reçus. Et il y a plein de livres qui sortent à ce moment-là. Et il y a vraiment une rencontre entre les théoriciens du mouvement, Kropotkin, Jean Grave, Peloutier, des militants et puis des écrivains. Des écrivains qui ont envie de s'engager, qui ont envie de faire de la littérature sociale, mais qui ne veulent pas être inféodés à un parti, et du coup qui se tournent vers l'anarchisme. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a un dialogue entre tous ces gens-là qui se fait essentiellement dans les petites revues, enfin, puis ils se côtoient, alors ça donne... Il y a des lieux privilégiés, la création des universités populaires à la fin du siècle, mais il y a tout un des lieux, des petites bibliothèques où il y a des causeries, donc ça discute, ça échange, il y a des polémiques qui naissent, etc. Donc ça, c'était intéressant parce que c'est un moment rare quoi, où il s'est passé ça, la rencontre vraiment entre les théoriciens militants et les écrivains. Alors ça s'est un peu passé après avec le suralisme peut-être, tu vois. on dira. Mais pas à ce point-là, je crois. Là, c'était vraiment, ça a concerné beaucoup de monde. Alors, un exemple, c'est par exemple Jean Grave, là, qui tenait les journaux, la Révolte, Les Temps Nouveaux, qui faisait un supplément littéraire, qui était en lien avec tous les écrivains de l'époque qui s'intéressaient à l'anarchisme. Et on a plein de recueils de sa correspondance avec Bernard Lazare, avec Mirbeau, avec d'autres. Et c'est extrêmement intéressant de voir les échanges, parce que Jean Grave dit de ses critiques des livres, les écrivains l'écoutent, et s'échangent comme ça leurs impressions. Alors tous les théoriciens de l'art à l'époque aussi prennent en compte la question de l'art dans leurs écrits, c'est-à-dire tous les écrits qui disent comment va être la société plus tard, ou qu'est-ce qu'on va construire, ou comment faire la révolution, il y a toujours un chapitre sur l'art, l'art et les écrivains et les peintres. Et puis il y a des tas de débats autour de l'art social, l'art individualiste. Alors les écrivains évidemment ne sont pas d'accord, il y en a qui disent attention, l'art doit être social, c'est-à-dire il faut que l'écrivain s'engage dans la mêlée, parle de questions actuelles, soit compréhensible par tout le monde. D'autres qui disent oui, mais alors on risque de ne pas être assez indépendant, on ne peut pas créer en fonction d'un public, il faut être complètement libre, il faut que l'art soit individualiste. Et en fait souvent on se rend compte aussi qu'ils ne mettent pas la même chose derrière les mots, ou que quelquefois ils se rejoignent sur le fond. C'est marrant de voir aussi que leurs productions ne sont pas toujours en accord avec leur position théorique. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir tous ces débats-là, donc j'ai essayé de montrer un petit peu comment ils se répondent les uns les autres. Alors il y a des polémiques entre Viollet Griffin, Bernard Lazare et d'autres. Alors ils publient plusieurs textes comme ça. Et voilà, donc évidemment ça a donné lieu aussi à quelques malentendus, parce qu'il y a quelques écrivains qui étaient attirés vers l'anarchisme et qui n'ont pas pris la peine de lire vraiment les théoriciens, qui ne savaient pas trop ce que c'était d'un point de vue politique ou social. Donc eux, ce qui les intéressait, c'était seulement l'anarchie littéraire. Voilà, donc il y a tout un courant comme ça qui passe un moment, qui est influencé par les idées anarchistes, mais qui va finalement, ils vont vite s'en aller parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas leur place ici. Donc ça, c'est, on les a appelés après les anarchistes littéraires, un peu dilettantes. Et bon, en général, ils ne sont pas restés très longtemps. Bon, je les ai comptés dans le corpus, en général, quand même, je les ai mentionnés, parce que c'est important de voir quelles étaient l'influence des idées libertaires pour toucher à ce point-là tant d'écrivains. Et puis, même s'ils n'avaient pas tout bien compris les implications sociales, leurs œuvres portent la trace quand même de ces échanges, de ces débats. Et puis, il y en a qui sont vraiment intéressantes. Donc ça, c'est dans la première partie, j'essaye de montrer un petit peu le contexte dans lequel tous ces écrivains-là que je vais citer, et puis sur lesquels je vais me pencher plus en détail, comment ils ont été amenés à rencontrer l'anarchisme et qu'est-ce qu'ils y ont trouvé au fond. Et ce qui m'a intéressé, c'est donc ce sont des écrivains qui non seulement publient des textes qui parlent d'anarchisme ou qui parlent d'idées libertaires ou qui ont une visée émancipatrice, on va dire, mais aussi, la plupart du temps, ils s'engagent plus socialement. Alors ça peut être dans des manifestations, des projets d'école libre, des universités populaires. Ça peut être aussi simplement en soutenant un journal, hein, ou en soutenant des militants inculpés, en faisant des pétitions. Donc chacun à son niveau, finalement, va quand même contribuer à faire avancer les idées libertaires. Voilà, je continue. On se prend des accusés aussi, comme on pensait des trans. Ah oui, et puis ça peut aller très loin, il y en a qui sont accusés. Alors parce que... C'est-à-dire qu'avec les lois scélérates, bon, c'est l'époque des attentats aussi, l'anarchisme est très vite réprimé, violemment. Et du coup, avec les lois scélérates, n'importe qui, on accuse les écrivains en fait d'armer le bras des terroristes. Donc n'importe qui écrit des textes un petit peu subversifs peut se retrouver accusé. Et puis donc c'est ce qui est arrivé à des écrivains comme Fénéon, Zodaxa a passé tout le temps en prison. Donc à partir d'un moment, ça devient vraiment dangereux d'être écrivain anarchiste. Alors voilà. Et puis la police se trompe aussi parce qu'elle... elle a du mal à faire la part des choses entre les anarchistes littéraires et puis les militants vraiment dangereux. Quelquefois, elle évalue mal. Donc la plupart des écrivains dont je parle sont fichés et sont suivis par la police. Et c'est un terme policier au départ, le terme d'anarchiste littéraire. Ça désigne pour les policiers des jeunes gens intellectuels qui écrivent et qui sont influencés par les idées anarchistes. Donc au début, c'est une catégorie policière de contrôle des écrivains. Voilà. Ouais. Oui. Si elle est sympathique, l'anarchie progresse à travers les écrits, c'est-à-dire une notion de l'anarchisme pratiquement en fait, autant sur l'idée que le simple militant, en ce moment vis-à-vis de cette période un peu spécifique qui était un petit peu cette période des lois scélérates qui a été vraiment la psychose, une surveillance vraiment énorme, particulière de tous les instants. Alors après, quelquefois, la police se trompe, voilà, elle va surveiller un militant qui ne fait qu'écrire, ou elle va aller embêter des rédacteurs d'une revue, parce que simplement, il publie des textes symbolistes, et puis elle n'y comprend rien, donc elle va faire une perquisition, des trucs aberrants. Quelquefois, elle est un peu lucide, et puis elle marque, voilà, tel écrivain, c'est un anarchiste littéraire, mais il n'est pas dangereux. Et parfois, c'est vrai, c'est juste. Donc il y a de tout, effectivement. Mais donc c'est là que les anarchistes qui étaient venus là un petit peu, enfin les écrivains qui avaient rejoint les anarchistes par erreur, enfin sans être très convaincus, c'est là que finalement ils s'en vont parce qu'ils voient que c'est dangereux, qu'ils n'ont rien à gagner dans ce combat-là. Enfin c'est pas, en termes d'honneur ou d'argent, il n'y a rien. Donc ils s'en vont et puis du coup à la fin du siècle, il reste vraiment les écrivains vraiment convaincus par les idées libertaires. Alors après, j'ai essayé de montrer un petit peu dans un deuxième chapitre des types d'écrits. En fait, on trouve absolument de tout, du roman, poésie, théâtre. Vraiment, enfin, les œuvres les plus diverses. Donc j'ai essayé de faire un petit peu une typologie, puis en donnant quelques exemples à chaque fois, des œuvres pas connues. Ce que j'essaie de montrer aussi, c'est qu'à chaque fois, ce sont des œuvres en situation. Ça, c'est comme disait Proudhon, hein, que l'art doit être en situation. C'est toujours lié à l'actualité. Ça parle, alors parfois de manière allégorique ou symbolique, hein, mais ça parle de la société présente, quoi. Et ça s'adresse à un public contemporain. C'était diffusé aussi, alors il y a des trucs intéressants en termes de diffusion, c'était les militants la plupart du temps qui allaient faire connaître ces livres. Pour l'édition, il y a eu pas mal de petites coopératives qui se sont créées, des coopératives d'édition libertaires, comme Élisée Reclus par exemple fait ça. Puis il y a eu pas mal de bibliothèques aussi qui parlaient de ces livres et qui les faisaient connaître, avec des causeries, des petites présentations. Donc j'ai fait toute une partie sur la chanson, la poésie. Alors là il y aurait plein de trucs à dire, mais bon, c'est vrai que Manfredonia a écrit un gros bouquin sur la chanson anarchiste. Alors je développe pas trop, mais il y a vraiment énormément de textes qui se diffusent et c'était très connu dans les milieux populaires, c'était repris, chanté, on changeait les paroles, on sur une même musique il y avait plusieurs paroles possibles, on faisait des parodies, Jules Jouif c'est ça à chaque fois en fonction de l'actualité. Pour la poésie, il y a énormément de choses très très différentes aussi, depuis les poètes populaires, les poètes du peuple, autodidactes, jusqu'aux poètes symbolistes, un peu parfois pas très, un peu obscurs, pas facilement compréhensibles. Les militants ont écrit énormément de poésie aussi, Louise Michel, Peloutier. Donc il y a énormément de choses très différentes. André Védo a écrit de la poésie. C'est André Védo, j'ai découvert quelqu'un s'intéresser à André Védo et chercher des renseignements sur lui. Voilà, on va bientôt pouvoir faire une biographie. Énormément là. Donc à chaque fois j'essaie de classer un petit peu pour donner une idée. Alors la poésie c'était et les chansons, c'est un genre particulièrement aimé des militants, enfin des propagandistes, parce que ça se diffuse facilement, ça se mémorise, on peut faire passer des idées auprès du peuple, enfin, c'est plus facile. Et puis ça demande moins de... c'est moins lourd en termes de diffusion aussi, pour imprimer. C'est plus facile d'imprimer quelques petits textes comme ça qu'on distribue à la fin d'une manifestation ou à la fin d'une pièce de théâtre. Alors le théâtre, c'était aussi un outil qu'ils aimaient bien. Ça sert de tribune. Alors, j'ai essayé de montrer aussi comment, à l'époque, il y avait pas mal d'innovations en termes de mise en scène. Il y avait Antoine et Luc Nepo, qui étaient très proches des écrivains anarchistes, qui les ont beaucoup joués, qui ont fait connaître certaines pièces, et puis des auteurs scandinaves aussi, qui n'étaient pas connus à l'époque, et qui se sont intéressés à la mise en scène. Alors, par exemple, un des problèmes qui s'est posé à eux, c'est comment on fait pour mettre en scène le peuple, quand il y a des œuvres comme ça qui montrent les révolutions, qui montrent des soulèvements populaires, et il y a 30-40 personnes sur la scène, comment on va faire? Alors, il y a eu plein d'idées différentes. Il y a un moment, ils ont fait venir des amateurs, des gens qui trouvaient dans la rue, ils les faisaient monter sur scène comme ça, ils étaient payés juste pour un soir. Donc ils étaient obligés de trouver des nouvelles réponses pour des questions qui se posaient à cause de ces pièces-là, qui parlaient de démocratie, donc qui parlaient de peuple, donc qui mettaient en scène pas un seul héros, mais plusieurs personnes. Il y a eu des nouvelles salles aussi, parce que la plupart du temps, ils n'avaient pas les moyens de jouer dans les grandes salles, les grands théâtres, la Comédie Française, tout ça, donc souvent c'était dans des petites salles autogérées, dans des bourses du travail, parfois dans des salons. Ils utilisaient souvent des acteurs amateurs, parfois des militants. Octave Mirbeau, une fois, il a joué lui-même un rôle dans une de ses pièces. Il y a eu des expériences de gratuité, pour que tout le monde puisse venir, ou alors dans certains journaux, on donnait des tickets gratuits pour pouvoir assister à la pièce de théâtre. Parfois, c'est des pièces qui avaient une seule représentation parce que c'était censuré, donc on faisait juste une représentation à laquelle était invitée la presse, et après, elle se jouait plus, ça permettait d'éviter la censure, dans ces cas-là, de contourner la censure. Et il y a eu des tas d'essais de théâtre populaire. Alors, il y a eu, par exemple, le Théâtre du Peuple, Théâtre d'art social de Gabriel de la Salle, Théâtre civique de Louis Lumet, enfin des tas de choses comme ça très intéressantes. Voilà, donc ça c'est bon, c'est marrant aussi parce que dans le livre que je citais tout à l'heure sur l'engagement des écrivains, il y a un passage sur le théâtre qui dit qu'au 19e siècle, il n'y a eu aucun théâtre engagé, aucune pièce engagée, il n'y a rien dans ce domaine-là. C'est vraiment bon, il y a plein de pièces qui commencent à être connues, mais. C'est difficile aussi de rééditer le théâtre, c'est pas très facile. C'est moins facile peut-être de lire une pièce de théâtre que de lire une pièce de roman. Donc il y a une amie, là, Monique Surel-Tupin, avec d'autres chercheurs, ils ont réédité deux tomes énormes de théâtre anarchiste, théâtre de combat. C'est ça, un théâtre de combat. Donc, mais c'est, voilà, c'est cher, c'est peut-être pas très facile à lire, mais enfin bon, ça a le mérite au moins de parler de tout ce théâtre-là qui est souvent mal connu. Voilà, bon, il reste quand même les pièces de Mirbeau qui sont toujours jouées de temps en temps. Mais à part lui. Mais son roman, pas son théâtre. Ah oui, pas le théâtre. Ouais. Et alors, du coup, je passe au roman. Alors, j'essaie de présenter aussi tout ce qui est récit. Alors, il y a pas mal de romans de formation, parce que c'est vrai que c'est un peu l'idéal pour montrer un petit peu si on veut parler des idées d'émancipation, des idées de liberté, c'est facile de prendre un individu qui, à l'âge, qui est enfant, qui est opprimé par ses parents, opprimé par l'armée, opprimé par la société, et on voit petit à petit comment il arrive à se libérer et à devenir anarchiste la plupart du temps. Donc, il y a pas mal de romans de formation. Il y a pas mal aussi de romans à clé. Qui montrent alors le personnel politique de l'époque. Il y en a un de Jégou, comme ça, qui s'appelle Jésus. Ernest Jégou, c'était un copain de Malato, qui était militant anarchiste dans les années 80. Et il imagine donc dans son roman, que Jésus, c'est Jésus revient en 1880 à Paris, je crois. Et en fait, Jésus est anarchiste et il vient dire « Vous n'avez pas bien compris ma parole, enfin, je viens vous parler de fraternité, d'égalité, etc. » Il n'est pas écouté, évidemment. Alors, il arrive, il se rend compte, il va voir un petit peu toutes les réunions socialistes, radicaux, les anarchistes. Alors, il voit que les anarchistes sont divisés. Il y a d'un côté ceux qui sont pour l'action violente, d'autres qui sont les orateurs qui prônent le pacifisme. Alors, lui, il hésite entre tout ça. Enfin, du coup, ça permet à Jégoud de décrire tout ce qui se passe d'un point de vue politique, du point de vue des révolutionnaires ou réformistes. Et à la fin, Jésus, il tombe sous le coup des lois scélérates et il est arrêté et emprisonné. Voilà. Il y a aussi des romans feuilletons, parce que c'était le genre populaire par excellence à l'époque. Donc Louise Michel écrit des romans feuilletons, Malato. Darien, quand il écrit Le Voleur, s'inspire de la trame du roman feuilleton un peu. Si on regarde les titres, il joue avec ça, enfin, même si c'est une sorte de parodie. Mais enfin bon, c'était un genre assez aimé à l'époque par les anarchistes. Ça permettait de... Zévaco aussi, hein. Zévaco. Oui, mais il commence à écrire dans les années 80. En fait, il a écrit un premier roman feuilleton qu'il a publié dans ses journaux, qui est très peu connu, qui s'appelle Roublard et compagnie. Et il décrit en fait les élections de je ne sais plus quand, des années 80. Roublard, c'est un homme politique. Et donc on voit c'est un roman feuilleton avec du suspense, des aventures, l'amour, etc. Mais on voit tout le personnel politique de l'époque qui connaissait bien, parce que lui-même était assez impliqué. À un moment, il avait voulu, avec Jules Roch, il avait voulu se lancer aussi dans les élections. Donc il écrivait dès ce moment-là, avant, et puis effectivement les Pardaillans, ça lui est venu plus tard. C'est une fois qu'il a un peu renoncé au militantisme, il s'est mis à écrire, mais là il arrivait à faire les deux quoi, au début. Et puis voilà, j'ai aussi montré alors qu'il y avait d'autres formes, comme les chroniques, les scénettes, alors les nouvelles en trois lignes de Fénéon, des petits aphorismes, des soliloques. On trouve des tas de choses dans les journaux en fouillant, qui ne sont pas toujours éditées en volume. Les biographies aussi, ça permet de faire passer pas mal d'idées, écrire la biographie de quelqu'un. Il y a la biographie de Blanqui, par exemple, qui est écrite par Gustave Geffroy. Biographie de Louise Michel. Et puis, il y a pas mal de livres à l'intention des enfants, qui sont assez originaux. Alors, Louise Michel, une femme qui s'appelle Louise Kittrine aussi, qui écrit des chansons assez violente pour les enfants, des petites rondes, des petites comptines où elle appelle à tuer tous les bourgeois et à mettre le feu partout. Et puis, tous les pédagogues, ceux qui ont essayé de faire des écoles alternatives, Sébastien Faure à La Ruche, Paul Robin, ont aussi souvent écrit des petits poèmes, des petites chansons pour faire répéter les enfants pendant la récréation. Et il faisait des chorales, beaucoup, dans ces écoles. Voilà. Donc, et pour information, j'avais coordonné un numéro de la revue Brève. Il m'avait demandé si je connaissais des nouvelles anarchistes, parce que Brève, c'est une revue spécialisée dans la nouvelle, contemporaine en général. Et il m'avait demandé s'il y avait beaucoup de nouvelles anarchistes du 19e siècle. Alors j'avais fait un choix de 10 nouvelles qu'ils avaient publiées là. Et donc j'avais essayé de choisir des nouvelles les plus différentes possibles. Il y avait Félix Fénéon, Louise Michel, Isabelle Hébrard, Georges Darien, voilà, des nouvelles pas très connues en général et puis qui sont extrêmement diverses. Donc ça montre bien aussi comment chaque écrivain... Enfin, il n'y a pas un style anarchiste. Ils n'ont jamais créé une école, ils n'ont pas dit... C'est pas comme le réalisme socialiste où il fallait suivre tel et tel principe. On trouve des constantes, mais en fonction de chaque écrivain, quand même, c'est très différent. Voilà, le seul point commun, c'est qu'à chaque fois, il y a plus ou moins, alors je ne sais même pas si on peut parler de message, parce qu'il n'y a pas toujours un message, et puis souvent il est assez brouillé, et puis souvent c'est au lecteur de tirer ses propres conclusions, mais il y a une tentative à chaque fois pour essayer d'émanciper les lecteurs. Et ça passe, alors souvent par l'humour, par la distance, pour justement pas imposer une thèse de façon dogmatique, mais ça donne des résultats complètement différents selon les auteurs. Alors j'essayais donc de faire un petit peu de montrer un petit peu, donner une idée de toute cette littérature qui est mal connue. Puis après j'ai fait des entrées de chapitres par thème, des thèmes qui me semblaient bien illustrés pour montrer à chaque fois ce que je voulais montrer ici, c'est comment ces écrivains qui se connaissaient pas toujours mais étaient en relation plus ou moins, ils faisaient partie d'un réseau. Parce qu'ils lisaient les mêmes revues, Ils se croisaient dans les manifestations, ils étaient sollicités quand il y avait un numéro spécial, donc ils se croisaient, ils polémiquaient entre eux, ils s'aimaient ou ils ne s'aimaient pas, mais en tout cas, ils se connaissaient de nom. Et forcément, les thèmes qu'ils traitaient étaient... il y avait des choses qui passaient de l'un à l'autre. Donc on retrouve les mêmes thématiques, ils s'inspirent un petit peu des mêmes idées. Et ça, c'est ce qui m'a semblé intéressant, c'est de montrer les liens entre chacun, même s'il n'y a apparemment rien de commun entre une militante comme Louise Michel qui écrit à toute vitesse, un esthète comme Pierre Quillard qui peaufine ses œuvres, qui fait des trucs un petit peu symbolistes, un écrivain proche du peuple comme Pouget qui était un syndicaliste. On aurait envie de dire, mais bon, ça n'a rien en commun. Et en fait, si, il y a vraiment des thèmes qui les traversent et des interrogations sur le langage qui sont communes à tout le monde. Donc c'est ça que j'ai voulu mettre en évidence, en fait. Donc à chaque fois, j'ai pris un thème et j'ai essayé de voir comment il était traité. Alors ça peut être dans la poésie, au théâtre, différents genres, et par différents auteurs de la même époque, et pour voir un peu les relations entre les uns et les autres. Donc premier thème que j'ai choisi, c'est les fictions de la politique. Donc toutes les œuvres qui critiquent le système parlementaire, le système de représentatif. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des écrivains qui se penchent sur le sujet vont en fait critiquer aussi le rapport au langage. Parce que quand on élit un représentant, on délègue notre pouvoir, mais il va nous représenter, et donc il y a une dépossession ici. Parce que on perd du pouvoir. C'est la même chose par rapport au langage. La plupart des gens finissent par s'accrocher à des mots qui ne veulent plus rien dire. Par exemple, ils vont dire « République ».« Ah, j'ai voté pour le candidat républicain ». On est en République sans jamais s'interroger sur ce qu'il y a en fait derrière ces mots. Et là aussi, ce qu'ils dénoncent, les écrivains, la plupart des écrivains, c'est qu'il y a une dépossession. On se laisse avoir par des mots, par des étiquettes, de même qu'on va écouter un gouvernant qui va nous dire « je vous représente ». Mais en fait, derrière cette représentation, il n'y a rien, on nous ment. On nous vole, on nous spolie quelque part. Et ça, c'est vraiment un thème, mais qui est traité, qui revient sans arrêt chez tous les écrivains. Je vous cite juste un passage de Clément, Jean-Baptiste Clément, dans ses chansons hyper connues. Une chanson dans laquelle il critique les représentants du peuple, donc il appelle « Tête coquin », 1901. Donc « Contre les républicains ». Je cite, alors je ne sais pas du tout quel air c'est, « Sous leur règne, tout n'est que vol, ils nous ont volé les usines, volé le sol et le sous-sol, volé l'outil et les machines, et ça se dit républicain, tas de coquins. » Et il y a une autre chanson, enfin, mais ça revient sans arrêt dans tous ces textes, une autre chanson alors qui s'appelle, c'est quoi, « La liberté, égalité, fraternité », où là, il critique les mots vides, les mots creux qui ne disent rien. « Vous pouvez couvrir les murailles de ces mots vides et pompeux, ils ne sont pour les malheureux que synonymes de mitraille. Nous connaissons le prix du pain et vos doctrines libérales. Hier, sur le carreau des Halles, une femme est morte de faim. Liberté, égalité, fraternité. » Et ça, c'est un thème, mais qu'on voit revenir sans arrêt. Louise Michel, elle dit aussi à un moment, mais qu'est-ce que c'est? Je regarde sur les façades des mairies, je vois liberté, égalité, fraternité. Pourquoi je la vois nulle part en acte? Pourquoi elle n'existe pas? Bon, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, à partir de là, il y a tout un thème qui se développe aussi sur l'idée qu'il faut se réapproprier les mots, se réapproprier le langage. Alors là, il y a deux stratégies. Soit on se dit, bon, bah, il y a des mots qui sont complètement dévalués, dévalorisés, qui ont été pris par les bourgeois, le mot république. Hein, république, ça, c'est plus la république sociale pour laquelle s'étaient battus les fédérés, c'est la république bourgeoise. Donc on leur laisse ces mots, on en invente d'autres. Et puis il y a une autre stratégie qui consiste à dire non, il faut se réapproprier les mots. C'est-à-dire on va les reprendre et on va leur mettre derrière un sens qu'on va incarner, qu'on va faire vivre, et on va les réinvestir du sens dont on les veut porteurs. Et ça, c'est des choses qui apparaissent dans les romans, en fait, qui sont discutées ou qui sont en marge ou qui... Dans Le voleur de Darien, c'est assez clair aussi, parce que le voleur, c'est quelqu'un qui vole. Il a décidé que... Parce qu'il a, au début du voleur, il y a un vol. C'est le narrateur, Randall, s'est fait voler tout son argent, son héritage, par son notaire. Quoi. Il ne lui reste rien. Donc il décide de se réapproprier. Hein, et c'est au départ, c'est un acte, pas tout de suite militant, mais qui va le devenir petit à petit, ça va devenir un acte politique. décide de se réapproprier l'argent, puisqu'il va voler les riches, il va voler ceux qui justement trichent avec la valeur. Par exemple, tous ceux qui spéculent, qui utilisent les papiers, les titres, en fait, des simples papiers qui n'ont plus aucune valeur en fonction du taux de la bourse. Donc il va chez ces gens-là. Et ce qui est incroyable, c'est que le voleur, ben, dès le début, il se pose la question du langage aussi. Mais pourquoi ça veut rien dire? On utilise des mots, on dit ceci, on dit telle chose, et il n'y a rien derrière. Et il s'interroge sur le sens des mots. Et ça va vraiment en parallèle avec l'interrogation sur le système capitaliste. Donc ça, c'était intéressant. Donc là, je reviens à toutes les œuvres qui parlent de politique. Donc il y en a pas mal qui critiquent les gouvernements représentatifs, qui critiquent les hommes politiques, les présidents, les gouvernants, etc. Il y en a d'autres ensuite qui se penchent sur la propagande par le fait. Alors propagande par le fait, c'était pas forcément les actions terroristes, hein, c'était tout ce qui était propagande en acte. Donc ça pouvait être reprise individuelle, ce qu'ils avaient fait aux bénévents là. Voilà, ils allaient brûler les archives, enfin c'était de la propagande par opposition à la propagande par l'écrit. Donc c'était tout ce qui montrait en acte comment on pouvait vivre autrement. Il y a plusieurs œuvres qui portent là-dessus, alors qui s'interrogent aussi, qui montrent des personnages qui cherchent une stratégie révolutionnaire pour faire connaître les idées. Alors il y a par exemple les porteurs de torches de Bernard Lazare, c'est un petit peu symbolique, mais c'est un héros quand même qui arrive et qui va dans une ville et qui essaye de montrer l'exemple par sa vie, par ses discours. Il va un petit peu partout et il montre ce qui ne va pas et essaye de faire des émules. Jean Grave a écrit un roman qui s'appelle Malfaiteur, où il montre justement, c'est un petit peu autobiographique, comment on fait à la fin des années 80, 90, par l'écrit, mais pas seulement, par l'action, par les manifestations, comment on essaye d'éveiller les consciences des gens. Victor Barucan a écrit un roman qui est très très intéressant, qui s'appelle Avec le feu. Et Avec le feu, c'est très révélateur, parce qu'ils ont justement trois héros, et chacun choisit une stratégie différente pour allumer. En fait, l'idée avec le feu, c'est qu'il faut allumer un petit peu la braise pour que souffle la révolution, quoi. Il faut, je sais pas comment dire, éclairer, mettre le feu aux poudres, quoi. Voilà, provoquer l'étincelle révolutionnaire qui va pouvoir aboutir à un mouvement populaire. Mais comme les anarches croient pas, enfin pensent pas qu'il puisse y avoir une avant-garde qui va contrôler la révolution, bah, il ne peut y avoir que des éclaireurs, des agitateurs qui vont, voilà, provoquer cette étincelle. Mais il est bien évident qu'après, ce sont les gens qui vont être à l'origine d'un mouvement. Et avec le feu, c'est ça, c'est comment on fait, quoi, pour éveiller les consciences. Et ça marche pas très bien. Alors il y en a un, c'est un écrivain, un artiste, un militant, et tous ils essayent plusieurs stratégies. Donc il y en a un, il pense qu'il faut plutôt écrire, hein. C'est par l'écrit qu'on y arrivera. Un autre qui est tenté par le terrorisme à un moment, mais il n'y arrive pas, ça marche pas. À un moment, il a envie de lancer une bombe, et puis ses copains l'en dissuadent, finalement il la jette à la Seine. Donc tout tombe à l'eau en fait, et puis c'est comme si cette image de la mèche là, elle finissait par être tellement mouillée que ça prend pas. Mais en tout cas, pendant tout le roman, il se pose la question de comment on fait, quelle propagande on a, et puis c'est toute la discussion aussi sur violence et non-violence, l'écrit ou l'action, comment faire, est-ce que c'est complémentaire, bref. Et puis j'ai fait un chapitre aussi sur le terrorisme, parce qu'évidemment avec tous les attentats à la bombe, et puis l'image de l'anarchisme qui était tellement caricaturée à l'époque aussi, bah forcément les écrivains en parlent et sont attirés par ça. Alors j'ai fait un petit paragraphe pour montrer aussi qu'il y a plein d'écrivains non-anarchistes, d'écrivains bourgeois, qui ont été fascinés par les terroristes. C'est parce que ça les excitait comme tout, quoi, de voir cette violence, alors que souvent ils ne comprenaient pas le sens. Pour eux, c'était une violence aveugle, un acte gratuit, l'acte de désespéré, qui n'avait pas très bien compris la politique. Et du coup, on a des romans comme ça, il y en a pas mal à l'époque, qui montrent des terroristes anarchistes, enfin qui sont dits anarchistes, mais en fait qui n'ont rien d'anarchiste, parce que les auteurs qui écrivent ne connaissent même pas les doctrines, les théories anarchistes. Et souvent, c'est désespéré parce que, bon, ils sont un petit peu, ils sont nés dans la misère ou dans le prolétariat, et puis ils ont une histoire d'amour malheureuse, alors ils ne savent pas comment faire, donc ils décident de lancer une bombe pour se venger de la femme qui les a repoussés. Donc c'est des trucs complètement aberrants, il n'y a aucune idée politique derrière, Et ça fait passer, en fait, c'est quand même très idéologique, parce que ça fait passer tous les terroristes, ceux qu'on appelait les terroristes à l'époque, pour des détraqués, quoi. De même qu'on avait fait passer les fédérés pour des animaux sauvages qui agissaient sans trop savoir ce qu'ils faisaient et sans aucun plan, parce qu'ils étaient un petit peu simplés. Donc là, il y a ce genre d'écrit, on les trouve, hein, et ils étaient lus à l'époque. Et par réaction, certains écrivains anarchistes ont écrit des textes où ils font figurer des personnages de terrorisme, mais qui, justement, en montrant donnant une explication à ces gestes, en montrant que tout ça est très raisonné, que souvent ce sont des personnages instruits, intelligents, qui ont simplement fait le constat de la misère du monde dans lequel ils vivaient, qu'ils ne voient pas d'autre solution pour éveiller les consciences de faire un acte fort, et qui souvent se sacrifient en lançant leurs bombes, mais à chaque fois ils montrent que c'est un acte politique, et pas du tout l'acte d'un désespéré. Donc on voit ça par exemple, alors chez Jean Grave qui montre une pièce de thèse qui s'appelle « Responsabilité », et comme son nom l'indique, il montre bien que les responsables de l'acte, ce sont souvent les bourgeois ou les gouvernants. Bon, l'histoire de responsabilité, je crois, c'est un type qui est condamné pour une histoire mineure parce qu'il était, il avait besoin d'argent, il a dû faire un vol sans trop de gravité, il va en prison, et là, pendant qu'il est en prison, sa femme, sans ressources, meurt de faim, son fils aussi. Il sort, il est tellement en colère contre la société qu'il décide, décide de faire un acte violent en tuant le juge qui l'a condamné. Et là, on comprend bien que la responsabilité, c'est celle du juge, de cette justice de classe, etc. Georges Écoute, qui était, alors lui, c'était un écrivain belge, mais je l'ai inclus dans le corpus aussi, parce qu'entre la Belgique et la France, il y avait plein de liens à l'époque. Et Georges Écoute a écrit pas mal de nouvelles où il met en scène des terroristes, souvent inspirés des terroristes anarchistes, enfin des propagandistes par le fait, comme à un moment, il y a Henri... qu'est-ce qu'il y avait encore ? Ravachol, il les a moins inspirés, en fait, Ravachol, parce qu'il était... son acte était moins directement, quand même... politique. Caserio, c'était plus clair, Vaillant encore plus. Hein. Donc Vaillant, il a beaucoup inspiré Georges Écoute. À un moment, il y a un type qui, justement, va jeter une bombe à la chambre parce qu'il n'en peut plus de ses discours vides, de ses simagrées, de cette hypocrisie, quoi, des gouvernants. La vision déjà du personnage, ça demande à réfléchir parce que entre les positions des uns et des autres, déjà à l'époque, les avis des journaux, les actions de Ravachol et les actions de Tibet, un échange, c'est-à-dire par journaux interposé par rapport à l'acte et au personnage de Ravachol, y compris dans ça a été assez partagé vis-à-vis de la vision du personnage. Il y a plusieurs visions, suivant les courants, les journaux anarchistes déjà à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a été défendu et souvent énormément loué par des non-anarchistes, par ceux que j'appelais les écrivains, justement, les écrivains anarchistes littéraires. Rémy de Gourmont et tout ça, parce qu'il les fascinait, quoi. Il les fascinait par la violence. Et les militants anarchistes étaient beaucoup plus circonspects, en disant, mais est-ce qu'il ne va pas nous faire du tort aussi? Est-ce que ça ne va pas accentuer la répression? Et puis, son geste était moins directement politique, quand même. A été très utilisé déjà à l'époque en faisant un petit peu les échanges à travers le chemin proposé. Je vous faisais l'exemple tout à l'heure par rapport à Jean Grave. Je suis un petit peu étonné qu'il prenait ce genre de position. Peut-être qu'il y a eu peut-être une période peut-être plus mince, mais Mais Chantras, ça fait une des personnes qui a remis en cause l'indépendance de la Roquette. Quand on voit un petit peu les reproches qu'il a pu formuler, il a été jusqu'à un petit peu à criminaliser, entre autres, l'Hyperpad et au-delà, sans journal, l'anarchie à l'époque. Ça a été un partisan de l'anarchisme, on va dire communisme. Et ça a été quand même, déjà à l'époque, c'était très virulent, les échanges. Je représente Jean Graff, j'étais amené à me pencher un petit peu sur ces prises de position sur le plein feu de la propagande politique, où Jean Graff, c'est-à-dire reprocher au courant anti-impérialisme et les moyens et leur discours. Ouais. Contre à l'époque des causeries, du journal d'anarchisme, etc., il y avait déjà plusieurs courants anarchistes à l'époque. Qui était quand même assez différent et qui s'interpellait les uns par rapport aux autres, puisque la pratique n'était pas la même. Ouais, mais Jean Graff, c'est pas si simple que ça, parce que dans son premier, un des premiers textes, je sais plus si c'est La Société au lendemain de la Révolution, je crois que c'est le premier, il est beaucoup moins, il condamne beaucoup moins, de façon beaucoup moins claire, l'action violente. Hein, il est pas clair. Et même il appelle, enfin il y a une phrase qui est, je ne l'ai pas en tête, hein, mais qui appelle à l'action violente, à la propagande par le fait. Ouais. Après il a changé d'avis, donc après bon, faut dire qu'ils ont été étonnés aussi de voir la violence de la répression. C'est évident que les actes, les lanceurs de bombes ou les actes violents comme ça ont fait énormément de tort au mouvement libertaire et ont accentué la répression. Donc du coup, ça a provoqué des débats aussi, ça a changé un petit peu la donne. Et du coup, Jean Graff, après, a condamné alors de plus en plus violemment ça dans ses textes théoriques. Mais en même temps, dans les romans, c'est différent, parce que dans les romans, les pièces de théâtre, il peut nuancer. Tu vois, là, il ne la justifie pas du tout. Hein, il y a vraiment dans la pièce que je citais, La Responsabilité, à un moment, il y a des échanges entre le théoricien du mouvement, qui est un peu Jean Graff, là, qui tient le journal, même s'il a changé les noms. Ouais. Oui, là, l'étang nouveau. Alors, c'est pas l'étang nouveau dans le roman, il a changé les noms, mais on reconnaît un petit peu, forcément. Et puis, il y a des tas de gens qui passent et qui discutent et qui ont chacun des avis différents. Et en fait, on sent bien que lui, ce qu'il a envie de montrer, c'est que ce genre de geste n'apporte rien et fait du tort au mouvement. Donc, c'est quand même ça, le plus ou moins, le message qui passe. N'empêche que. Au sein de la pièce ou au sein du livre, parce que un peu sur le même sujet, ce qui montre, c'est pourquoi le terroriste est amené à une action violente. Et on le comprend et on juge la société qui a créé ce terroriste. Donc il y a une sorte d'explication, le geste est politique, et sans l'excuser ou sans le prôner en exemple, ça permet quand même de le faire comprendre. Ouais, donc il ne le justifie pas, hein, il n'a pas... Oui, ouais. Par rapport aux différents courants de l'époque, c'est-à-dire par rapport à des journaux de titres différents, c'est-à-dire que vous aviez le courant dualiste, entre autres, et le courant communiste anarchiste, etc. Et il y avait beaucoup de différenciations, beaucoup de discussions, d'interpellations des uns par rapport aux autres, par journaux interposés. C'était quand même assez relevé pour les interpellations de part et d'autre, c'est-à-dire. J'en reviens un petit peu entre ces échanges entre Hyperpad et Jean Graff, c'est assez violent entre les échanges qu'il y a pu avoir entre Jean Graff qui reprochait y compris les causeries que l'organisait, c'est-à-dire le journal anarchiste Hyperpad avec ses autres compagnons, il y avait des rérettes d'étrangers, j'en passe d'autres, il y avait Maladroge. C'était une période du mouvement anarchiste qui était quand même assez... Bon, c'est vrai que ça revient sans arrêt, ça, dans les questions qu'on me pose, mais c'est vrai que j'en ai pas vraiment... J'ai pas mis l'accent là-dessus. Alors j'espère que je vais pas trop donner l'impression quand même d'un mouvement uni et où il n'y avait pas de conflit, parce que c'est pas vrai. Mais j'ai mis l'accent... Alors j'en parle, hein, à un moment, par exemple, il y a des écrivains comme Mécislas Goldberg qui étaient très très mal vus des autres, hein, je pense... il a été exclu à un moment du congrès anarchiste de je ne sais plus où, et il dit du mal énormément de Jean Graff et des anarchistes étiquetés gardiens du temple, etc. Jean Graff, il arrête pas de critiquer les anarchistes dans Le Voleur, il critique, alors je ne sais plus de qui il se moque, d'Arien dans Le Voleur. Il y a deux chapitres où le narrateur il va voir des conférences anarchistes et il s'attaque à un Merlino. Alors, Merlino, ouais. C'est un pseudonyme. Non, alors il se moque de Merlino sous un pseudonyme, en fait. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Il n'est pas tendre avec eux. Puis dans tous ces... Après, c'est les journaux, les escarmouches, quoi, qui créent après. Ils s'en prennent aux anarchistes qui parlent, qui n'agissent jamais, qui détournent le peuple de l'action. Bon. C'est vrai, il y avait plein de conflits, il y avait plein de tendances différentes. Moi, j'ai essayé de montrer quand même que peu importe, il y avait quand même un but commun et que finalement, ils sont assez complémentaires. Et bon, c'était l'impression que j'allais... Alors peut-être c'est une image un peu idyllique du mouvement... je prétends pas qu'il n'y a pas de conflit, hein, mais je voulais montrer comment, finalement, au-delà des conflits, et surtout d'un point de vue en littérature, bah, y avait quand même des choses qui se complétaient, et diverses tendances, mais qui n'étaient pas non plus incompatibles. Hein, parce que finalement, c'est les mêmes problèmes qui se posent, et même s'il y a des réponses différentes, les questions sont à chaque fois posées, c'est-à-dire c'est jamais simple. Mais à chaque fois, il y a plus de questions qui se posent que de réponses. Par exemple, quand Darien, il écrit Le Voleur, alors bien sûr, il fait au départ, c'est l'apologie de la reprise individuelle pour lutter contre le capitalisme, c'est l'acte d'un seul individu pas organisé, c'est contre les syndicats, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'il montre à la fin? Le voleur, il échoue parce qu'il n'a rien changé. Il est très lucide, il se dit, bah, j'ai pas touché au système, finalement, j'ai rien fait. J'ai récupéré, j'ai accéléré la circulation de l'argent. Mais ceux qui s'enrichissent continuent de s'enrichir et j'ai pas du tout aboli le système ou fait une brèche dedans. Il est très lucide là-dessus, donc et Jean Grave l'a bien vu quand il fait la critique du roman, il fait il n'est pas révolutionnaire ce voleur, mais c'est ce que dit Darien, c'est ce que montre Darien. Donc c'est pas si simple non plus. Il y a ce qu'on dit, puis après je trouve que la littérature justement permet de poser les questions de façon pas simpliste. Sans donner aucune réponse toute faite. Et du coup, ça me semble plus intéressant que les débats qui, souvent, comme tu dis, hein, peuvent être violents ou un peu simplistes, parce que c'est comme maintenant, quand on envoie par mail, là, on envoie plus facilement des choses tranchées qu'on regrette d'avoir dit après, mais quand on écrit un article dans les journaux, ça peut être pareil aussi à l'époque. La littérature permet de prendre plus de recul, je trouve ça plus intéressant. Ouais, mais c'est vrai que je pense que mon travail, si on lit ça, ça ne rend pas compte des conflits politiques qu'il y avait à l'époque. Hein. C'est vrai que c'était comme maintenant, quoi. Ils passaient leur temps à... Ben, la littérature aussi. Oui. Aussi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque œuvre politique est reçue, critiquée, discutée hein, à travers les revues anarchistes, et elle est jugée en fonction de critères politiques souvent. Il y a, par exemple, j'ai pas pu faire ça, traiter vraiment la réception des œuvres, parce que ça serait un travail d'historien, il aurait fallu 10 ans de plus, et puis souvent on n'a rien, on n'a pas tous les documents nécessaires. Mais pour le théâtre, parfois j'ai trouvé des revues de presse qui disaient les critiques, qui montraient les critiques de l'époque. Il y a une pièce de Descaves, alors Lucien Descaves, alors c'est marrant parce qu'il a écrit, donc il était assez engagé, hein, très anarchiste, oui il était anarchiste, même s'il était un petit peu... Non, enfin, il se déclarait anarchiste. Il est resté fidèle à ses idéaux révolutionnaires jusqu'à la fin. Et il a écrit plusieurs textes sur les thématiques. Et il a écrit une pièce avec un humoriste... Comment il s'appelle ? Descaves et... j'ai un trou. Il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle La Clairière, avec un humoriste qui était vraiment pas très politisé, mais qui était célèbre pour faire les mots d'esprit dans le théâtre. Quoi. Ça marchait bien, ça plaisait au grand public. Ça vous dit rien, je retrouve le nom. Hein. Et donc, ils se sont alliés, ils ont fait une pièce qui est très réussie, qui montre la clairière, c'est des ouvriers qui en ont marre de se faire opprimer par les patrons dans la société capitaliste et qui décident de se faire une coopérative autogérée de production. Donc ils sont 5-6, ils invitent leurs femmes et leurs enfants et ils essayent de vivre comme ça. Alors c'est très ambitieux, c'est-à-dire que ils veulent à la fois montrer l'exemple, montrer qu'on peut se passer du système capitaliste, mais en même temps ils veulent pas s'en exclure, parce que c'est un reproche qui a été souvent fait aux utopies, aux alternatives anarchistes, et on veut rester avec les mains pures, on se met en marge du système, mais si on est en marge, on n'a aucun effet sur lui, on va pas le changer, donc c'est trop facile. Donc eux, ils ont choisi de rester dans le système, c'est-à-dire qu'ils sont dans une petite commune, ils connaissent le maire vient d'ailleurs à chaque élection pour leur dire « Allez, il faut voter, hein, vous voulez voter pour moi ?» Eux, ils rigolent, effectivement, parce qu'à chaque fois, ils ne votent pas. Et il y a une action, hein, il y a un échange économique avec la société dans laquelle ils vivent et dont ils restent dépendants, parce qu'il y a certains objets qu'ils sont obligés d'acheter. Et donc, ils ont ce projet-là. Et puis, la clairière, ça, l'histoire de la pièce, ça montre comment ça va capoter, parce que bon, c'est difficile de vivre en communauté. Il y a des histoires personnelles, il y a des histoires de passion, de jalousie, forcément. Tout va changer quand, à un moment, il y a un type qui arrive avec sa copine, qui est un peu un bourgeois. Et il rentre dans la communauté, mais ça va mal se passer, parce qu'il y a des femmes qui sont plutôt des femmes du peuple, qui vont être jalouses, et du coup, ça va créer des histoires, des tas de problèmes. Donc ça marche pas, à la fin, il y en a un en plus qui... il y a un réfractaire, quelqu'un qui ne veut pas faire son service militaire, qui se cache là, qui va être dénoncé, enfin des histoires assez sordides, et puis à la fin c'est l'échec. N'empêche qu'ils ont quand même essayé quelque chose, et ils ont montré que ça pouvait vivre, même si on n'y arrive pas. Donc c'est une pièce qui est vraiment intéressante, c'est comme une expérimentation qu'on fait vivre sur scène pour dire aux spectateurs, regardez, ça peut marcher. En même temps, c'est pas parfait, hein, c'est très réaliste, mais vous pouvez peut-être vous-même trouver une solution, ou si vous réessayez ailleurs, tenez compte de ces défauts-là qui font qu'on n'arrive pas à faire une société libertaire, c'est pas forcément facile. Donc ça, c'est une pièce extrêmement intéressante, et toutes les critiques qui sont sorties, venant des journaux bourgeois ou des journaux... révolutionnaires, en fait, n'ont pas du tout parlé de la valeur littéraire, de l'intérêt de la pièce, du talent des acteurs ou du talent des auteurs, mais à chaque fois, c'était le point de vue politique. Bon alors, est-ce qu'ils ont eu raison de montrer que ça marchait pas ? Non, ils auraient dû montrer que c'était possible et qu'on pouvait y arriver. Ah mais non, en même temps, ils ont bien montré que ça capotait, c'est donc que l'idéal libertaire, ça ne peut pas marcher. Il aurait fallu faire ceci d'un point de vue communiste, tout cela... Et ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment des pièces, des trucs littéraires, des textes littéraires qui provoquent des débats d'idées politiques. Et les gens se sont mis à discuter de la stratégie pour faire vivre une utopie en s'engueulant entre réformistes, révolutionnaires, radicaux, anarchistes, individualistes, etc. Voilà, c'était pour donner un exemple. Non, elle n'est pas, je crois pas. Je vérifie, je vais vous dire le nom, mais la plupart des textes dont je parle, en fait, c'est horrible parce que tous les. En général, les gens me disent ah, mais c'est bien, j'ai envie de lire ça, et c'est pas édité. Et je sais plus. Alors, je vais te dire, j'ai marqué, hein, donc je vais. Donc, dès qu'il y a, je vais le retrouver. C'est pas impossible. Alors, où il est ? Alors, La Clairière, donc c'est Maurice Donnet, voilà, c'était l'auteur connu de l'époque qui a écrit en collaboration, comédie en 5 actes, donc c'est paru en 1900, il y a une représentation, mais je crois pas, j'ai pas noté en tout cas, donc je crois pas qu'elle soit rééditée, qu'elle ait été rééditée. Et c'est toutes les utopies, en fait, qui sortent, ont provoqué ce genre de débat politique. Quand Pouget et Pateau ont écrit leur roman qui s'appelle « Comment nous ferons la révolution », c'est l'histoire... Bon, j'en parlerai peut-être plus tout à l'heure, parce que j'ai envie d'en parler plus long. Bon, c'est l'histoire d'une révolution qui commence sans violence, c'est tout le monde se croise les bras. les gens arrêtent de travailler, arrêtent de faire fonctionner les usines, et finalement, bah, ils sont obligés de s'organiser, donc ils font des coopératives, ils essayent de voir comment faire sans le système, et le système capitaliste, les possédants, les gouvernants, finalement, ne servent plus à rien. Et la révolution se fait en douceur, comme ça, petit à petit, grâce aux syndicats, on arrive, qui sont le noyau au départ de cette nouvelle organisation, on arrive à une société complètement anarchiste, débarrassée du capitalisme. C'est magnifique, quoi. Il imagine ça, comment ce serait possible. Bon, mais en même temps, il y a des tas de problèmes qui se posent. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils sont attaqués, évidemment, par les militaires qui sont là, qui viennent leur lancer des missiles dessus. Donc, ils sont obligés de se militariser, de réagir, je crois. Hein. C'est ça qu'ils font. Ils font des armes. Mais alors, bon, c'est un petit peu là, c'est vrai que c'est un petit peu sophiste. Pouget imagine des armes qui vont servir juste à annihiler les trucs des frappes chirurgicales, quoi. On va juste taper sur les attaquants et puis après on les détruit pour pas que ça puisse servir, quoi, dans notre société. Bon, c'est un peu simple. Et en fait, il a été critiqué là-dessus. Donc tous les débats après, c'était « Ah non, mais il a tort, nous on est contre la violence, une société anarchiste, elle peut pas être militarisée, ah mais si, il faut, parce qu'on est obligé, etc. » Bon. Et du coup, ça a suscité des tas de débats qui étaient des débats politiques. Voilà. Donc, je fais vite, hein. Je continue un peu. Oui, bah oui. Donc il y a ces œuvres sur le... J'ai parlé, donc j'ai fait un chapitre, hein, je vais pas rentrer dans le détail, mais un chapitre sur les œuvres qui traitent de la politique. Alors ensuite j'ai fait un chapitre plus sur le capitalisme des œuvres qui critiquent le système capitalisme avec comment on fait pour y échapper, quoi. Donc il y a Le voleur de Darien, et puis il y a un super roman de Georges Écoude, La Nouvelle Carthage, qui est extraordinaire aussi parce qu'il montre bien comment un nouveau type de capitalisme est apparu au 19e siècle, c'est spéculateur. Le capitalisme financier, et comment ça change la donne aussi, quoi. C'est plus les anciens capitalistes qu'on voyait dans Balzac, hein, qui thésaurisent, qui mettent de côté leur petit sac d'or. C'est le capitalisme international avec de l'argent qui circule sans arrêt et puis une valeur qui est fluctuante, quoi, qui dépend plus du tout de l'or, complètement dépendante. Donc ça, il montre les conséquences. Et il montre aussi le rapport au langage. Enfin, il y a une réflexion très intéressante là-dessus. Et puis le rapport à la politique aussi, qui s'effrite complètement. Voilà, donc tout justement de comment combattre le système économique. J'ai fait un chapitre autour de la commune, parce que c'est un thème extrêmement présent. Les écrivains se sont demandés, là, ils ont été très conscients qu'il y avait eu une attaque des réactionnaires avec toute une propagande anti-communarde. Donc l'histoire a été écrite par les dominants. Ils ont complètement effacé les luttes des fédérés. Et donc il y a toute une contre-littérature pour essayer de témoigner, de se souvenir, et de façon plus ou moins nette, parce que quelquefois c'est des témoignages, et parfois ça apparaît en filigrane dans des œuvres, quoi. C'est une toile de fond, mais la commune est là, et tout. À travers la littérature, ils essayent de réfléchir sur comment on fait justement pour parler sans être nous aussi trop influencés par l'idéologie, pour pas faire comme nos ennemis justement, écrire d'une façon idéologique, comment on va faire. Et en général, la solution qu'ils trouvent, c'est de dire de quelque part et avec un avis, et autant l'avouer cet avis. C'est-à-dire que comme ça, les lecteurs pourront s'en défendre, ils pourront prendre parti à leur tour. Il n'y aura pas de tricherie, il n'y aura pas de tentative de manipulation. Donc voilà ce qu'ils essayent de faire. Donc là aussi, autour de la commune, il y a des témoignages, des chansons, du théâtre, des romans. Et j'ai essayé aussi de parler d'une polémique entre Richepin et Vallès, parce que tous les deux se connaissaient. Richepin, c'est lui qui a écrit la chanson des gueux, donc qui était considéré à l'époque comme un poète un peu libertaire, très proche du peuple. Et en fait, il est devenu extrêmement réactionnaire, il n'était pas du tout engagé, et il s'engueule avec Vallès, qu'il admirait énormément au début. C'était son dieu, Vallès. Il avait écrit un bouquin d'hommage, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, Jules Vallès, le réfractaire. Voilà, il avait écrit ça, son premier texte, pour rendre hommage à Jules Vallès. Et en fait, au moment de la commune, Richepin, il a peur, quoi. Il reste dans son studio en haut, il regarde en bas, alors il écrit des lettres à ses parents, où il dit « Je suis embêté quand même, là, j'arrive pas à dormir en ce moment avec toutes ces tueries en bas, on ne peut pas être tranquille ». Et il a peur d'aller voir, parce que quand même, là, il y a trop de sang. Puis il n'a pas envie de se salir les mains. C'est les mots qu'il emploie. Et après, il va écrire un texte qui est très ambigu, en racontant un petit peu la commune. s'appelle Césarine, mais Césarine, comme lui, il n'a rien compris, il ne l'a pas vécu, la commune, il ne comprend rien. Ça donne un truc, on ne voit pas, on n'arrive pas à comprendre. Il y a des fédérés qui se battent, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a une histoire d'amour complètement étrange. Bon. Et c'est un roman un petit peu raté, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que justement, il n'arrive pas à écrire ce roman vu que lui-même n'a pas été engagé. Alors que Vallès, qui s'est battu, qui a fait partie des combats, qui a pris part à la commune, a écrit L'Insurgé, qui est une œuvre géniale. Et après, l'échange entre les deux, c'est assez intéressant. Et en fait, je me sers de cet échange pour montrer que Vallès avait raison, qu'il faut s'engager, quoi, qu'on ne peut pas rester neutre, et que si on essaye de dire non, je suis ni du côté des fédérés, ni du côté des Versaillais, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, on va forcément faire une œuvre qui sera réactionnaire, en fait, quoi. Donc il faut que, et ça c'est la thèse de Vallès, hein, il faut que l'écrivain s'engage, et à un moment, faut y aller, et s'il faut laisser la plume pour aller se battre sur les pavés, il faut le faire aussi. Voilà. Alors j'ai fait un chapitre aussi sur les utopies pour montrer c'est un changement de point de vue, c'est un pas de côté qui fait qu'on arrive à critiquer le système et à imaginer d'autres alternatives, des alternatives. Et du coup, ça, j'ai tout résumé là-dessus. Là, c'était sorti aux éditions du Monde Libertaire. C'était un petit résumé, en fait, assez un peu vulgarisé du chapitre sur les utopies, où je prenais 5 textes et je montrais en quoi ça changeait un petit peu le point de vue, alors que ça soit d'un point de vue politique, économique, ou alors avec ce que j'ai appelé les utopies sexuelles, des textes féministes ou sur la question homosexuelle, qui était à l'époque pas du tout traitée. Et même chez les libertaires, c'était difficile d'entendre que on pouvait vivre un amour homosexuel qui ne soit pas considéré comme une perversion. Voilà. Et le dernier chapitre, en fait, c'était pour montrer, j'appelais ça l'exercice salutaire, je ne sais plus comment j'appelais ça, sur l'utopie un petit peu, l'exercice utopique salutaire. C'est André Védo, je crois, qui dit ça. J'ai essayé de faire, là j'ai pas traité vraiment des œuvres en détail, mais montrer que les points communs entre tous ces écrivains, ils essayent de ne pas se considérer comme une autorité, de ne pas imposer un message dogmatique, de ne pas enfermer le lecteur dans une idée qu'ils pensent être juste. Ils essayent de faire réfléchir à chaque fois, et ça passe en grande partie par la remise en cause des lieux communs, l'ironie, tous les procédés de distance et tous les procédés irrespectueux, alors que ce soit pastiche, parodie, moquerie, jeu de mots et l'humour, évidemment. Vallès disait que la révolution, ça pouvait être une révolution rieuse, et il se prend jamais au sérieux lui aussi. Donc quand on voit dans L'Insurgé par exemple, c'est assez drôle. Et là voilà, il me semble que c'est un des points communs, c'est-à-dire qu'à chaque fois ce sont des œuvres engagées, hein, complètement engagées, mais pas des œuvres à thèse. Et ça, je pense que c'est aussi pour ça que c'est dur à admettre pour la plupart des gens aujourd'hui. Dès qu'on dit littérature engagée, c'est forcément une littérature à thèse, de même que dès qu'on dit engagement politique, c'est engagement dans un parti. Et les gens n'arrivent pas à penser autrement, et c'est pour ça que c'est très très dur à faire passer ça. Oui, on peut être engagé et complètement indépendant en même temps, indépendant d'un dogme de politique. Voilà en gros. Alors j'ai un petit mot quand même sur l'annexe, sur les annexes. Vas-y. On a encore dans les temps. Vous êtes... y a pas de problème. Si c'est pas trop long. Enfin, ça, vous me dites. Hein. À peine. Oui, mais si heure, bon, hein. Si vous voulez poser des questions et tout, mais je. C'est intéressant, vas-y. Moi, je me dis des questions. Voilà, je laisse de la place pour les questions, mais il y a encore juste un bouquin dont je voulais parler. Alors, pour le corpus, donc j'ai fait parce que si vous avez besoin de consulter, juste, j'ai fait une liste donc des 68 auteurs dont je parle. Il y a seulement 8 femmes, pour des raisons historiques. C'était plus dur en tant que femme de publier à l'époque, tout simplement. Donc on en trouve forcément moins parmi les militantes et parmi les écrivaines. J'ai mis à la fois les écrivains militants, alors là évidemment comme Jules Vallès, Darien, etc., des militants écrivains, Louise Michel, Malato, Pouget. J'ai inclus des écrivains sympathisants, qui étaient un peu compagnons de route, hein, comme Stuart Merrill, Pierre Quillard. En fait, eux, c'était pas leur truc, l'engagement politique, le militantisme, mais ils étaient là. Ils étaient toujours en soutien, ils pouvaient faire des pétitions, donner un peu d'argent au journal. Donc, je trouve que c'est important aussi. Il y avait des écrivains qui n'ont pas été anards très longtemps, ou pas de façon vraiment convaincante, quoi, convaincue. Mais je les ai mis aussi parce que leurs œuvres sont complètement marquées par les thèmes anarchistes. Et puis, à un moment, ils ont contribué à faire avancer le débat. Donc, c'était important. Ils ont participé à la dynamique. Donc, des gens comme Paul Adam ou Adolphe Rété, Léon Cladel, qui était plutôt, lui, un peu plus collectiviste, mais enfin, qui a écrit quand même des choses intéressantes. Alors, j'ai complètement exclu des gens comme Barrès ou Mallarmé, qui n'avaient rien à faire là parce qu'ils ne sont pas anarchistes du tout. Rictus, alors je l'ai mis. Il a mal fini, puis il était un petit peu, effectivement, c'était un petit peu superficiel son engagement. Mais en même temps, il y a quand même. C'est ça, je ne me trompe pas. Quoique, je ne sais pas. Enfin, c'est pas clair. Rictus, c'est ambigu, hein, je crois. Donc j'ai mis. Il y a Philippe Auriol qui devait sortir un bouquin sur Jean Rictus. Je ne sais pas s'il l'a fait. J'avais vu ça dans les trucs à paraître. Et je ne sais pas si c'est paru, parce qu'il avait fait sa thèse dessus. Voilà, donc j'ai fait large quand même. Voilà. Et pour finir, je voulais juste parler de deux romans qui vont être réédités. Et là, je suis vraiment contente, parce que j'ai l'impression que mon but, c'est quand même d'essayer de faire rééditer certains textes qui valent vraiment la peine d'être lus aujourd'hui. Donc il y en a un, c'est Galafieux de Henri Fèvre. Je dis juste deux mots. Henri Fèvre, c'était il a commencé très jeune, à 20 ans, à écrire des textes naturalistes avec un de ses copains d'école, et qui a très mal fini, puisque suite à un premier texte qu'ils ont écrit, un peu sulfureux, ils se moquaient de Zola. C'était un peu un pastiche de Zola. Ça se passait dans la campagne, on voyait les démêlés entre les laïcs et les religieux, le maire, l'institutrice, etc. Et à un moment, il y a une scène un peu cru entre le curé, la paroisse, qui tombe amoureux de l'institutrice laïque, et ils vont avoir des relations sexuelles dans le clocher de l'église. Et c'est décrit à la Zola, quoi. Ça a été censuré, c'est tombé sous le coup d'une accusation. Comme Fèvre, il était mineur, il avait moins de 20 ans, on n'a pas pu l'emprisonner. Mais l'autre, son copain, a pris la faute sur lui. Enfin, il a dit, c'est moi le responsable, il était majeur. Il a été en prison à Sainte-Pélagie. Alors d'abord avec les droits communs, après on a fini par le mettre avec les prisonniers politiques. Mais comme il avait des problèmes de santé, et puis il était très... mal foutu, il était très malade, il est mort en prison, suite à son emprisonnement. C'est le premier mort suite à un procès littéraire. Et il avait écrit une lettre à Henri Fèvre en disant, mais tu me vengeras, quoi, tu les laisseras pas tranquilles, les bourgeois, je continue de me venger. Et Henri Fèvre, il a été assez proche des anards, il a fait pas mal de textes engagés, il a écrit des romans qui sont assez virulents contre la société, et il y en a un, c'est Henri Fèvre. Et Henri Fèvre, c'est un roman... Non, il y en a un, c'est Galafieux, merci. Et Galafieux, c'est l'histoire d'un type qui est un petit peu inadapté à tout. Il veut pas, il fait pas des bonnes études, il se fait virer de l'école, il a pas d'argent, parce que bon, ses parents lui laissent un héritage, mais c'est son frère qui prend tout, donc il a rien. Donc ni capital financier, ni capital culturel. Il n'a pas très envie de travailler, il ne voit pas pourquoi il faut perdre sa vie à la gagner, il ne voit pas pourquoi il aliénerait sa vie à un patron. Il a juste envie de profiter de la vie, hein. Il n'emmerde personne, mais voilà, il est là, et on ne le laisse pas vivre en fait. Il n'a que des tracas, il est vagabond, mais il tombe sous le coup de la loi contre le vagabondage, il est poursuivi en tant que voleur. Bon, à un moment, il est amoureux, évidemment, il se fait rejeter parce qu'il n'est pas assez bien, socialement. Et en fait, il ne s'en sort pas. Et à un moment, les flics l'arrêtent, alors je ne sais plus trop comment ça se finit, et de rage, parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il voit que de toute façon, il n'arrivera pas à vivre dans cette société-là, il sort un couteau et il tue le premier bourgeois qui tombe, qui est un monsieur décoré. Il le poignarde, il y a du sang qui coule. Et ça, c'est exactement le geste de... Léoto. Léoto. Léoto. Qui a tué... Non, pas Léoto, attends, Léo Léautier. Léautier, pardon. Jules Léautier, qui était un type qui, pareil, hein, exactement, enfin, c'est pas pareil, c'est pas du tout son histoire à lui, mais qui, lui, était quelqu'un de très réfléchi, très éduqué, et qui, à un moment, était tellement désespéré, et puis, plutôt que de se suicider, il s'est dit, bah, je vais tuer un bourgeois, quoi. Il a pris le premier bourgeois décoré. Fénéon a écrit, Léautier a entamé un monsieur décoré, et c'était le ministre de la Serbie, enfin, ministre de Serbie, c'était le hasard. Mais donc ça rappelle le geste de Léautier, et ce Galafieux qui n'était pas très politisé, hein, lui ce qu'il voulait c'est être libre, c'est vivre de façon libre, autonome, mais il n'avait pas du tout lu de texte anarchiste, il n'était pas empreint de ces idées-là, mais au moment de tuer, pour que son geste ait un sens, il se met à crier « Vive l'anarchie !» Et ça, c'est intéressant aussi, parce qu'il y a plein de textes, qui, témoignages qui disent « Oui, les idées anarchistes, elles étaient dans l'air. On les respirait, et chacun avait ça... certains, dans le peuple, beaucoup de gens avaient ces idées-là en tête, même s'ils ne savaient pas théoriser. Ils n'auraient pas pu citer Kropotkine ou Jean Grave, mais l'anarchie, ça leur disait quelque chose. Et il y a beaucoup de fédérés aussi, au moment d'être arrêtés, même s'ils n'étaient pas très politisés, au moment où on les tuait, ils criaient « Vive l'anarchie !» C'était aussi une façon de dire, « Je meurs, mais pas pour rien, je meurs pour venger tous les pauvres, les opprimés, les aliénés, ceux que le système exclut, etc. » Donc là, c'est un truc assez intéressant. Et la réception a été bizarre aussi, parce que ce roman, beaucoup de gens ont dit « C'est l'histoire d'un raté ». Je trouve ça significatif. Galafieux, c'est pas raté. Il est raté parce qu'en fait, c'est plutôt la société qui est ratée. Il est complètement inadapté. Mais pourquoi il n'arrive pas à se plier au système ? Mais je trouve ça bien, ce genre de ratage-là, finalement, quoi. Mais pour beaucoup, c'était un raté, quoi. Et alors voilà, je suis très contente parce que la réédition de Galafieux va sortir chez Ressouvenance bientôt, cet été. Voilà. Et deuxième roman dont je dis juste un mot, et puis c'est seulement si ça vous intéresse que je développerai, mais c'est un roman qui me tenait à cœur aussi, c'est La Grande Grève de Malato. Malato, donc, c'était un militant, il a écrit pas mal de textes théoriques, énormément de romans, théâtre aussi. Alors le théâtre a été réédité là, dans les fameux recueils dont je parlais. Voilà, alors, l'exil, c'est pas mal, non ? Les joyeusetés de l'exil, c'est drôle, hein, c'est les mémoires de son exil à Londres. Donc tous ces textes théoriques sont réédités, mais alors aucun roman. Et celui-là, il est extraordinaire, ça raconte la naissance du mouvement, les premiers syndicats, la naissance de la conscience de classe des ouvriers à Monceau-les-Mines dans les années 1880-1900. Donc ça s'inspire de l'histoire réelle, puisqu'il y a effectivement eu, alors ça parle de la bande noire, qui était une bande secrète, anarchiste, qui faisait sauter des croix, parce que l'église avait beaucoup de poids, était alliée au patronat. Ça raconte les premières révoltes anarchistes pas très organisées, et puis après l'organisation d'une grève, les premiers syndicats, et une grève qui va être une grève générale, qui va concerner tout le bassin des mines et puis les autres métiers à côté. Et puis après, il extrapole un petit peu. Donc j'ai mis pas mal, c'est moi qui ai fait les notes, pour montrer justement, en fait, si vous lisez, il faut lire les notes et la préface, parce que ça montre à quel point, sinon c'est pas à moi, on passe à côté, hein. Pour montrer vraiment à quel point il s'est inspiré de la réalité historique. Et en même temps, il fabule un peu, et du coup, ça se lit bien, ça se lit comme un roman feuilleton, c'est passionnant, il y a plein d'aventures, il y a de l'amour, il y a des trahisons, il y a des aventures en Nouvelle-Calédonie. Et voilà, je suis très très contente que ce bouquin ait été réédité. Donc voilà, je l'ai là aussi, si vous voulez. Ça se lit bien sur la plage, sur les calanques, au soleil, vraiment facilement. Hein. Et en même temps, on en apprend beaucoup, là. C'est un roman feuilleton. C'est un roman feuilleton, mais politique. Ils n'étaient pas tous comme ça à l'époque. Bon, je m'arrête là, voilà. Il y a des questions. En ce moment, il y a pas mal de bouquins de Zizaco, que je vous en parlais tout à l'heure, qui sont en réédition ou réédités. Bon, pour moi, Zizaco, c'est... ça quand j'étais adolescent, on avait emballé le truc. Donc ça ressort. Il y a quelqu'un qui bosse sur les études politiques de Zébaco. Ouais. Oui. Mais c'est Jules Roch aussi. il essaie plus sur Jules Roch sa thèse. On a un copain qui fait une thèse sur Jules Roch. Mais il y a encore plein de choses à fouiller sur la période, que ce soit d'un point de vue historique ou d'un point de vue littéraire, en fait. Mais c'est vrai que depuis que j'ai sorti ma thèse, il y a plein de choses qui ont été rééditées. Bernard Lazare, Les Porteurs de Torches, ça a été réédité. Des textes de Pouget, peut-être. Enfin, pas mal de trucs qui sont sortis. Donc, et visiblement, ça se vend. Enfin, je pense que c'est vraiment des choses intéressantes à lire maintenant, quoi. Il y a 5-6 ans. 2003. Aujourd'hui, par exemple, tu as des prix Nobel posés. Sarah Mago, il a dit qu'il est anarchiste quand il a reçu le prix Nobel. Que Dario Fo, qui a reçu le prix Nobel, sont plus des anarchistes qui sont très reconnus aujourd'hui, comme peut-être même dans la société bourgeoise, c'est un peu le terrain où on peut dire que les libertaires sont un peu reconnus, ou même il y a des écrivains où leur côté libertaire n'est pas vraiment connu, mais en tant qu'écrivain, ils sont connus. Bon, je dis bien sûr Camus, il a beaucoup de liens avec les libertaires, mais aussi Tolstoy déjà, il était très lié par les libertaires, et ils ont plus le côté engagé, le côté politique. Tu ne penses pas que c'est ça ou quand tu as intégré les chansons, bon, aujourd'hui on parle presque que de Brassens, Ferré, tout ça, ce sont les chansonniers qu'on connaisse. Ça n'a pas changé. Alors je te dis moi mon point de vue, mais c'est que mon point de vue et mon expérience hein, personnelle. Mais j'ai trouvé que, en fait, ce qui plaisait, les profs universitaires aiment bien, effectivement, les écrivains libertaires, mais ils ignorent totalement ce que ça veut dire au point de vue politique et social. Donc quand je leur parlais de communisme, déjà, ça leur plaisait pas. Hein? Alors, ils m'ont dit, oui, c'est intéressant, tu vas étudier les écrivains libertaires, tu vas montrer comment ils font le vers libre. Hein. Le vers libre, c'est super intéressant. Mais dès que je disais qu'il y en avait qui avaient fait des vers très traditionnels, ça leur plaisait plus. Ils m'ont dit, tu as parlé de Mallarmé. Je fais, mais Mallarmé, il n'est pas... Ah mais si, parce que regarde, il a fait exploser les cadres de la poésie, ça c'est révolutionnaire. Je fais, mais moi je ne parle pas de ça, moi je parle de changer la société. Je parle d'être contre le capitalisme. Alors déjà là, ça n'allait plus. Donc si tu veux, effectivement, je crois qu'ils aiment bien les écrivains libertaires, tout le monde trouvait ça super comme sujet, sauf quand je parlais de politique. Et moi ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était le lien avec le social, le lien avec la politique. Et j'ai pas trouvé beaucoup d'intérêt. Ça n'allait pas très loin. Quand j'ai parlé de publier la thèse aussi, il n'y a aucune édition universitaire qui était intéressée. C'est aussi à cause de la taille, ouais. Mais enfin, bon, ils avaient l'argent, hein. Ils ont plein d'argent, les unités de recherche dans lesquelles j'avais travaillé. Ils ont même trop d'argent, et puis ils n'arrivent pas à le dépenser. Et puis d'une année sur l'autre, c'est pas reconduit. Bon, des trucs aberrants, ils auraient pu, si ça les avait motivés. Ça n'a pas suscité assez d'intérêt. Et puis à chaque fois que les gens aussi me disaient c'est intéressant ce travail et tout, que tu veux pas l'éditer, essayer de le proposer à des grands éditeurs qui auraient plus de moyens pour le publier. Alors moi je disais qu'il y avait une cohérence dans mon travail aussi et que si j'avais parlé de ça, c'est parce que j'avais envie de promouvoir ces pratiques anarchistes et que dans l'édition, pour moi, ça passait par éviter les grandes éditions marchandes, capitalistes. Je voulais pas que Bouygues puisse se faire de l'argent sur mon livre. Enfin, c'était impensable pour moi. Non, et j'arrête pas de faire l'éloge des trucs autogérés, des publications alternatives et de la diffusion militante. J'allais pas le confier à. Voilà. Bref, et les gens ne comprenaient pas non plus. Et j'ai trouvé le plus petit. Mais donc, si tu veux, ouais, y a aussi un intérêt qui est complètement superficiel pour le sujet. Et dès que tu essayes de... Ben moi, pour moi, c'était quand même un travail militant, quoi. Donc je voulais... j'avais envie de faire connaître les idées aussi et d'aller contre certains préjugés, mais bon, j'ai pas l'impression que ça ait changé beaucoup dans le monde universitaire. Et là, je crois... Bon, après, c'est moi aussi qui me suis un peu exclue de l'université, donc j'ai plus tellement de retours de ce qui se passe, mais je crois pas qu'on en ait parlé dans les revues universitaires. Je l'ai envoyé à quelques revues que je connaissais... Et j'en ai parlé à des profs avec qui je travaillais, mais j'ai entendu aucun retour. Les seuls qui en ont parlé, c'est les revues militantes, c'est les revues politiques. Et Dario Fo, moi, bon, j'avais vu une pièce, là, la pièce sur... Mort accidentelle d'un anarchiste, était vraiment magnifique, dans un grand théâtre parisien. Bon, ça me faisait mal au cœur, parce que il y avait de voir tous ces gens qui allaient au théâtre pour applaudir et qui étaient enthousiastes, mais qui ressortaient, et puis ça n'allait pas du tout changer leur façon de vivre, leur façon de penser. Alors là aussi, moi j'ai préféré voir Dario Fo dans des petits théâtres montés par des amateurs avec un prix libre. Je crois que j'avais vu à Paris, il ne faut pas payer, mais c'était dans une toute petite salle et les gens qui venaient là étaient beaucoup plus motivés. Et pour moi, ça change tout quand même, les conditions de représentation, etc. Je préfère. Voilà, bon, il y a un intérêt pour la littérature anarchiste qui n'a aucune suite, quoi. Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi de lire ces livres-là ou d'en parler si après on continue de vivre de la même façon, enfin, et si on n'essaye pas de changer la société? Pour moi, ça n'a aucun sens, quoi. Mais bon. Oui. Actuellement, il y a déjà une confusion dans le terme libertaire qui est approprié à toutes les sauces, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a certains publics, surtout le rond, voire le côté artistique, ça fait bien un peu se qualifier libertaire. On est un peu, chacun est un peu libertaire. Moi, j'aime pas les flics, je suis un peu libertaire. Ce côté culturel, est admis par le grand public. Par contre, quand on va en face, c'est-à-dire plus loin, c'est-à-dire remonter le côté politique, c'est là où ça gêne, je pense, le grand public. Et ce côté un petit peu où on essaie de le mettre à l'écart, qui ne soit pas, c'est-à-dire articulé à un large public, ce côté politique de l'anarchisme. Donc, moi, je pense que l'intérêt d'un tel livre, c'est-à-dire au travers de mon chef, je pense que c'est important, parce que au travers de ce travail, c'est ni plus ni moins notre mémoire qui est restituée, ce côté totalement méconnu de cette littérature anarchiste qui a existé, qui était très admise dans le milieu anarchiste, mais qui n'a pas franchi les pas, ou plus ou moins très difficilement, dans un large public, dans la société. On a tout fait, c'est-à-dire pour la cacher, cette littérature. Pourtant, elle est très riche et plus citée. Je ne sais pas combien d'écrivains, je pense qu'en grattant un peu plus, on pourrait trouver beaucoup plus d'écrivains, y compris des écrivains, j'avais pu le lire, des écrivains paysans. Oui. J'ai en mémoire les noms. Les gens au Pays-Bas. Dans Ragon, il faut regarder dans Ragon, ouais. Voilà, ça c'est plutôt la littérature prolétarienne. Mais bon, ça se rejoint parfois. C'est une littérature qui est très riche, d'où l'intérêt un petit peu de ce travail, de cette richesse, de cette littérature, qui des gens, à travers différentes façons, comme tu l'as cité, essayer de donner un peu plus à travers le roman, sur l'autobiographie, etc., pour faire entre autres donner un aperçu du côté politique de l'anarchisme. Même si c'était dans ces différentes variantes, c'est-à-dire dans ces différents aspects de l'anarchisme, y compris dans la pratique, ces gens-là, à travers une époque, l'intérêt aussi, l'importance de la littérature par rapport à cette époque, qui était plus important, je le pense sans pas me tromper, que de nos jours, parce que les moyens de diffusion étaient moindres, donc le livre, la littérature avait une importance qui était énorme par rapport à cette époque-là. Donc les gens prenaient connaissance, se donnaient peut-être la peine, peut-être de plus réfléchir à travers l'écrit, à travers la littérature, qui sont donnent peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas généraliser, mais je pense que dans notre époque, plus les moyens, c'est-à-dire de communication, notre époque, la littérature, c'est-à-dire, a perdu un petit peu de son importance. D'autres médias, c'est-à-dire, ont pris plus d'importance au détriment du livre. Et à cette époque, c'est-à-dire, on lisait, c'est-à-dire, on colportait, c'est-à-dire, l'information, le livre, Entre autres, quand je dis colporteur, c'est ce qui se passait d'ailleurs. Des colporteurs. Il y avait beaucoup de colporteurs qui se travaillaient, c'est-à-dire qui se baladaient à travers les impôts, y compris les militants anarchistes, et qui vendaient un petit peu leur brochure. Les journaux, et avec les journaux, ils avaient toujours la petite, les dernières brochures. S'acheter dans les places publiques. D'ailleurs, on dénote, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un petit peu les recherches dans les archives départementales, il y a beaucoup de signalements par rapport à la police. On se méfiait d'ailleurs entre de ces colporteurs, puisque c'est là où l'idée se propageait à travers ce colportage au niveau, c'est-à-dire des marchés, c'est-à-dire les gens faisaient des fois le tour de l'Hexagone pour divulguer, c'est-à-dire les idées anarchistes, à travers l'écrit, à travers entre autres les brochures, la chanson, etc. D'où l'importance de la littérature qui avait une très grande importance à ces époques-là. Encore une fois, bon, le travail qui a effectué, moi je pense qu'il est très important parce que ça nous permet un petit peu de restituer un petit peu notre mémoire et la richesse un petit peu de ce qu'a été cette littérature anarchiste dans toute sa diversité. Je suis un petit peu étonné, c'est-à-dire que tu faisais un petit peu les réticences un petit peu des éditeurs, ça démontre encore une fois, c'est que quand on commence à s'attacher à faire un travail un peu surtout sérieux et sur un aspect un petit peu politique, le côté anarchiste politique, on peut, je pense, avoir des difficultés, c'est-à-dire à être édité. Je ne parle pas des grands éditeurs. Tant que c'est superficiel, c'est-à-dire qu'on a une vision d'anarchisme un petit peu, je dirais, sommaire, un petit peu romancé, quand on commence à faire un travail recherché sur un côté appuyé sur le côté politique de l'anarchisme, il y a plus de difficultés à trouver un éditeur, je parle des grands éditeurs. Après, c'est vrai qu'il y a des petits éditeurs, on peut avoir plus de facilité. Bah oui, mais les petits, non. C'est-à-dire, tout ce qui touche un petit peu le contenu politique de l'anarchisme, y compris de nos jours, ça a toujours fait peur. On ne veut pas divulguer cet aspect-là, ce côté politique de l'anarchisme, y compris de nos jours. En même temps, c'est facilement récupéré, tu vois, Onfray, bon, il fait des bouquins qui sont intéressants. Pour moi, c'est une chevrolette, excuse-moi du terme. Mais en même temps... C'est-à-dire... Moi, je pense que, si tu veux, juste te réponds, puis après, je te laisse la parole. Hein. Je pense qu'en fait, ce qui est révolutionnaire, c'est pas ce que tu vas dire dans le bouquin. Parce que tu peux avoir, voilà, Marx, il est édité partout, Élisée Reclus aussi, bon, c'est pas un problème. Le côté révolutionnaire, il va être plus dans les modes de diffusion, est-ce que tu choisis les modes de production. Je pense que c'est ça qui va jouer vraiment aussi. Pas seulement le contenu du message. C'est-à-dire, tu peux dire, tu peux avoir un type très intéressant qui a parlé d'anarchiste, s'il parle à la télé, au journal de 20h, entre trois pubs, ça n'a aucune valeur. En même temps, si on fait une réunion autogérée où tout le monde décide du contenu et un truc où chacun prend part à la discussion, même si le contenu n'est pas très politique, l'acte est politique. Tu vois, je trouve ça plus intéressant, moi. Mais alors... Oui. Ouais. À l'heure où toute la France regarde la télévision. Franchement, ça, je serais absolument heureuse de ça. Et alors, c'est pour ça que je ne suis pas du tout à la télévision publique sur la diffusion des idées. Bah, ça, c'est un débat vraiment qui me tient à cœur parce que. Je voulais poser. Je voulais savoir, avec le 19e siècle, justement, bon, tout ce qui était. Je sais comment sur les diffusés, tout ce qui était chansons, parce que c'était très accessible à tout le monde, mais je voudrais savoir comment. Les œuvres romanesques qui sont quand même un aspect un peu plus difficile sur le plan littéraire et auprès de quel public qui vous ça. On n'a rien là-dessus. Donc, si tu veux, ce que je peux dire, c'est... Non, oui, c'est très dur de savoir qui lisait et d'avoir des chiffres. Le livre à l'aise, c'est quand même pas... C'est pas le gars qui était en 19e siècle, les gens n'étaient pas encore très alphabétisés. C'est pour ça que la chanson, ça a marché parce que c'était de la transmission orale. Et tout ce qui était de l'ordre de l'écrit, voilà, je voulais savoir quel public ça a touché. Bon, le roman feuilleton, ça aussi, c'était dans les journaux, donc c'était facile d'accès. Mais vraiment, ce dont tu parles, comme la poésie, comme les œuvres vraiment d'un genre littéraire, on va dire, plus élaboré, voilà, c'est Alors, non, ce qu'on sait quand même, c'est que certains écrivains étaient édités chez les grands éditeurs, les éditeurs